bouchon. Pas d'exposition. Exauce quelque chose comme ça. Le comme ça. Oui. Non, non pollution. Pas de pollution. C'est comme d'hab là-bas. If you don't have car here, si tu n'as pas de voiture ici, it will be forever written concerning your name. Ça sera écrit à tout jamais concernant ton nom. He never had a car. Il n'a jamais eu. C'est comme d'hab qui fait comme ça. C'est l'un de ses prédicateurs. C'est l'un de ses prédicateurs. Il n'a jamais eu une voiture. Une belle voiture. Propre car. Une belle voiture. Certains d'entre vous disent que même si je I will have house in heaven. J'aurai une maison au ciel. Listen. Écoutez. Everybody in heaven is a tenant. Tout un chacun au ciel est un locataire. Everybody in heaven is a tenant. Tout le monde au ciel est un locataire. Everybody in heaven. Tout le monde au ciel is a tenant. Est un locataire. Because Jesus himself said, parce que Jésus lui-même a dit, I go, je retourne, to prepare a place, pour préparer un lieu, pour vous, in my father's house, dans la maison de mon père, listen, écoutez, listen, écoutez, did not say in our father's house, dit dans la maison de notre père, he said in my father's house, dans la maison de mon père. So he said, let it be settled who is the owner of the house. Donc ça doit être jugé qui est vraiment le propriétaire de la maison. That's how. Ce n'est pas la maison de notre père. It is not my father's house. C'est la maison de mon père. That is why only me can prepare a sitting place for you. C'est la raison pour laquelle je suis la seule personne qui puisse te préparer un lieu de logement. And when the place is prepared, et quand l'endroit est préparé, I will come and carry you by myself. Je vais venir te chercher de moi-même. Escort you into the house. Et t'accompagner jusqu'à la maison. And you can only stay where I am staying. Et tu ne peux vivre où je vis. Lui là-bas, hein. Because you are squatting with me. Parce que tu es en train de raccommoder avec moi. Squatter avec moi. Ok, merci. So if you want to be a landlord. Donc si tu veux être un bailleur. It must be here. Ça doit être ici. L'évangile de la terre. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Un jour viendra. Quand le ciel va annoncer ce que tout un chacun a construit. Adam built a garden. A bâti. Noah built an ark. Noé a bâti l'arche. Joseph built pyramids and storehouses. Moses built tabernacle. Moïse a bâti des tabernacles. David built musical instruments for God. David a bâti des instruments musicaux pour Dieu. And palaces. Et des palais. Solomon built temple. Salomon a bâti le temple. Nehemiah built the walls. Nehemiah a bâti les murs. Ezra rebuilt the temple with Jehoshaphat. Ezra a prébâti le temple avec Jehoshaphat. On and on and on and on. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. When it comes to your turn. Quand ça va arriver à ton tour. May they not say she was a successful tenant on earth and in heaven. Qu'on ne puisse pas dire qu'elle était un locataire prospère au ciel et sur la terre. There are some of you. Nobody in your whole family has built correct house. Il y a certains d'entre vous. Personne dans votre famille n'a bâti une belle maison. I'm not talking about the kind of house that when it rains, others are sleeping, you are staying awake with bucket plates. Je ne parle pas de maison où quand il pleut. Tu es là avec des seaux et tu vas recueillir de l'eau pour que ça ne bouille pas les eaux. Collecting water like private fire service. Tu récupères l'eau comme un service privé de feu. Others are sleeping, you are busy with pot in the parlor. Les autres sont là avec the corridor. La casserole sur le couloir. Bucket in the bedroom. Les seaux dans la chambre. Then God have mercy on you. The thing is not leaking in three places. Et Dieu ait pitié de toi, ça coule maintenant dans trois endroits. And the basin can only contain two. Et le bassin ne peut que contenir deux. How do I go position it so you keep the basin here, then you use your hand. Tu mets la partie ici et tu utilises ta main pour récupérer l'autre. Get up, let's go. Get up, let's go. Laissez-moi pas que nous rentrons. Get up, let's go. Ça va pour aujourd'hui. Are you angry I came? Êtes-vous fâché que je suis venu? Are you annoyed? Êtes-vous fâché? Anybody here complaining? Tout un chacun ici qui se plaint. How come they are not preaching prosperity? Empressement la prospérité. How come they are not preaching prosperity? Empressement la prospérité. You want us to preach poverty? Tu veux qu'on presse la pauvreté? What do you want us to preach? Poverty. Que veux-tu que nous prêchons la pauvreté? They are always preaching miracle. Ils toujours always miracle, preaching miracle. Oh, you want us to preach problems? Veux-tu qu'on prêche des problèmes? Every time the man wants to pray, he said, God will heal you. God will lift you. Dieu va te lever. Oh, you want him to pray, may God make you sick. Tu veux qu'il prie que Dieu puisse te rendre malade? Est-ce que c'est ce que vous voulez? The man is always saying, God will lift you. You want him to pray, may God bring you down. Est-ce que tu veux qu'il prie que Dieu puisse te rendre? Is that the prayer you like? C'est la prière que vous aimez? He should preach holiness. What is the proof of holiness? Quelle est la preuve de la sainteté? The holiest place is heaven. Le plus saint lieu c'est le ciel. When you go to heaven, quand tu vas au ciel, holiness in heaven is not people walking like this. Who, la sainteté ce n'est pas les gens qui marchent comme ça. Who, everybody that has ever gone to heaven, tout un chacun qui est déjà allé au ciel et revenir. They don't describe to you people walking like this. Ils ne te décrivent pas les gens qui marchent comme ça. They describe prosperity. Ils vous décrivent la prospérité. The streets are made of gold. Les rues sont remplies de l'or. The mansions are beautiful. Les mansions sont belles. The flowers are lovely. Les fleurs sont très belles. He's got some folks. The holiest place that Jesus, God, asked Solomon to build was his temple. Le lieu saint que tu as demandé à Salomon de bâtir, c'était son temple. And the most outstanding quality of that temple was gold. Et la qualité la plus supérieure de ce temple était de l'or. I don't know what goes through your mind though when you say holiness. Je ne sais pas ce qui traverse vos pensées quand vous pensez de la sainteté. Listen to me. Écoutez-moi. The greatest holiness preachers in the world. Les plus grands prédicateurs de la sainteté dans le monde. Still interact with rich men. Et ils parlent toujours avec des hommes riches. Rich men. Les hommes riches. That are not necessarily holy. Qui ne sont pas nécessairement saints. The greatest holiness preachers in the world. Les plus grands prédicateurs de la sainteté dans le monde. Still in contact with rich men. Et ils ont encore de contact avec des hommes riches. Qui ne sont pas nécessairement saints. Including Jesus Christ. Incluant Jésus Christ. Because if you must continue preaching holiness. Parce que si tu dois continuer à prêcher la sainteté. Rich men must bring the money for you to concentrate and preach holiness. Les hommes riches doivent apporter de l'argent afin que tu puisses te concentrer pour prêcher la sainteté. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miracle et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons trois cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte de la mise. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend docteur de la Camden Longa, reçoit de mardi à vendredi de 9h30. 9h à 16h dans ses locaux situés First Exec Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent et les next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine, your story this week, est obligée de changer pour le meilleur. Et la qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Aucun démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport, face d'Exaco. À la cathédrale de la foi, we are